Qu'est-ce que tu me fais chier là, à vouloir faire un morceau encore? Tu m'as même pas fait de café alors, putain, qu'est-ce que tu me fais chier? Ah, putain, pique poil de ta gueule, tu vas te ramasser un coup de savate, tu vas même pas comprendre ce qui va t'arriver, alors ça va te faire super mal dans ta gueule. Ah putain, mais pourquoi tu me fais chier là? Sérieux, non mais en plus, je ressorte ma guitare là, juste pour te faire plaisir. Et c'est quoi ce bordel? Tu me prépares une compile, là, con, un truc encore. Putain, je vais même pas pouvoir gagner du pognon. Je vais encore être dans la merde de ta faute. C'est ça, c'est de ta faute, hein? Et encore, t'as de la chance. Jocelyn, il est sympa, il fait encore des bons solos de guitare. Juste pour faire plaisir. Mais sinon, franchement, toi, t'es un sale bâtard. Je peux pas te saquer. Je peux vraiment pas te saquer. Alors. Plus t'es en train de me faire crever, sale bâtard. J'étais tranquille dans ma pièce, dans ma maison, là, en train de me reposer. Et toi, tu m'appelles pour faire une compile, hein, qui pue. Putain, ça pue ton histoire. Moi, j'y crois pas une seconde. On fera jamais des dollars avec ton histoire de compile. Alors ça, je peux te dire une chose. Il faut que t'arrêtes à un moment donné de croire que tu vas faire des dollars avec tes compiles, parce que sinon tu vas pas y croire à la fin et tu vas complètement te planter. Enfin moi, c'est un conseil d'ami que je te donne. Putain, c'est encore une clope au menthol que tu m'as filé. Pourquoi tu m'as filé une clope au chewing-gum? C'est n'importe quoi.